France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, quand le monde pailleté des artistes rencontre celui prosaïque de la géopolitique. À la fin des années 40, la guerre froide entre l'Est et l'Ouest divise le monde. On vit dans la hantise d'une troisième guerre mondiale. C'est dans cette atmosphère qu'un jeune couple d'artistes va se former dans l'amour et la gloire, Yves Montand et Simone Signoret. Mais ce qui fait le ciment de ce couple, au-delà de l'attirance amoureuse, c'est la politique. Les Montand-Signoret ont le cœur à gauche et croient fortement dans le communisme. Alors, quand en 1956, l'insurrection hongroise est réprimée de manière sanglante par les chars soviétiques, leur foi vacille et leur projet tourné en URSS s'en trouve compromise. Alors, y aller ou pas? Pour Yves, communiste par héritage, le dilemme est cornélien. Pour Simone, communiste par conviction, l'hésitation est déchirante. Après des jours de tergiversation et de conseils glanés auprès de proches, Montand se décide, il ira. Et c'est parti pour une tournée de 4 mois à travers l'URSS et les pays de l'Est qui fera passer Montand du compagnon de route au compagnon de doute. Notre invité aujourd'hui, Patrick Rothman, écrivain, scénariste, documentariste, il a bien connu Yves Montand. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Stéphanie Fromentin, coordination Franck Cognard, chargée de programme Rebecca Denantre, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Derrière l'hôtel Duna, entre l'hôtel Duna et le Danube, voici les chars russes qui passent. On essaye de voir en se mettant un peu au-dessus de la fenêtre, mais je vous avoue que c'est extrêmement dangereux. Un deuxième char le suit de près. Oui, mais ça y est, écoute, il vaut mieux pas qu'on va se camoufler parce que vraiment c'est extrêmement dangereux. Oui, oui, je viens. Il tire la mitraille, vous entendez les balles qui claquent contre le mur. Un troisième char arrive. Ah oui. Voilà. Qui reste sur l'hôtel, je suis navré, j'arrête le magnétophone. En ce 4 novembre 1956, un vent glacé venu de l'Est s'abat sur la roulotte, l'appartement parisien du couple Montand, situé au 15 de la place Dauphine. Le chanteur, qui doit se produire dans tous les pays de l'Est pour une durée de 4 mois, est sidéré en découvrant la une du Monde, l'insurrection hongroise est écrasée. Malgré ses belles promesses de déstalinisation, Nikita Khrouchtchev, premier personnage de l'Union soviétique, réprime le soulèvement de Budapest et envoie des chars contre des manifestants pacifistes. Bilan entre 2500 et 3000 morts. Simone Signoret, qui a prévu d'accompagner son époux, s'indigne. Il faut tout annuler, il ne faut pas y aller. Julien Lévy, le frère du chanteur, dirigeant du Parti communiste, conteste avec force. Yves ne peut pas se soustraire à un contrat signé il y a un an et demi. Et voilà comment le chanteur et comédien se retrouve devant un cas de conscience. Partir et honorer son engagement, au risque de cautionner les exactions soviétiques, ou rester à Paris et risquer de passer pour un homme sans conviction, lui, le compagnon de route convaincu du PCF. Décidément, cette tournée au long cours en URSS tombe mal. Dans son livre, La nostalgie n'est plus ce qu'elle était, Simone Signoret écrit 20 ans plus tard. On était triste et déchiré, mais avant tout et par-dessus tout, on était très emmerdé. Un dilemme résumé en une phrase par Yves Montand sur France Inter le 16 juin 1989. Je me posais aussi beaucoup de questions, donc je me trouve dans une situation extrêmement difficile, et comme avait dit si justement Sartre, que nous essayons de voir de temps en temps parce que nous étions extrêmement mal à l'aise, il avait résumé ça dans une phrase. Il avait dit, vous savez Montand, vous partez là-bas, vous cautionnez les staliniens. Vous restez, vous cautionnez les réacs. Voilà dans quelle situation j'étais. Il me disait que s'il y avait quelque chose à découvrir, c'était là, maintenant, à chaud, plutôt que plus tard, si j'étais parti 3 mois ou 4 mois après, on m'aurait reproché, mais mon cher Montand, maintenant c'est facile, c'était avant qu'il fallait partir. Un déchirement non fin, absolument sincère, car le couple d'artistes est aussi un couple doté d'une vraie conscience politique qu'il n'a jamais cessé d'affirmer sur la place publique. Pour Yves Montand, cet engagement est du ressort de l'atavisme familial. car chez les Lévy, on est communiste ou on n'est pas. Le père, immigré italien, qui a fui le fascisme de Mussolini dans les années 20, était responsable des émigrés communistes de Marseille. Ivo Lévy, le véritable nom d'Yves Montand, vit une enfance d'immigrés pauvres dans le quartier ultra-populaire de la Cabucelle. Pauvre, mais heureuse, marquée par le travail dès l'âge de 11 ans. Une enfance de prolétaire, baignée par la croyance dans le petit père des peuples, Joseph Staline, au point de refuser l'évidence. Oui, même des années après. Eh bien, elle ne voulait pas lire parce qu'elle se sentait désarmée subitement. S'ils se sentent désarmés, c'est parce qu'ils y croient d'une façon religieuse et non pas d'une façon concrète. Comme j'y ai cru d'ailleurs d'une façon religieuse. Chez moi, il y avait ma mère qui était italienne, comme tous les latins, avait le crucifix et au-dessus Staline. Et il est resté longtemps, même après le rapport Khrouchtchev à la maison. On n'est pas loin du bilan globalement positif proféré par Georges Marchais concernant l'URSS. Mais que voulez-vous ? L'engagement communiste de Montand est organique, tout comme celui de Ferrer, Reggiani, Mouloudji, Ferrat. Pour tous qui ont eu 20 ans sous la botte nazie, le libérateur, c'est d'abord Staline. Bon, c'est oublier l'autre grand artisan de la victoire, le Royaume-Uni, son immense courage, son génie militaire, ses services secrets qui ont harcelé les nazis partout où ils martyrisaient les pays qu'ils occupaient. Mais dans les années 50, le mythe stalinien reste fort. Le Parti communiste français culmine d'ailleurs à 27%. Tous les intellectuels en sont, parce que pour eux, le communisme, c'est l'anti-bombe atomique, l'anticolonialisme, l'anti-guerre en Indochine. Et avec lui, le futur a de l'avenir. Si Montand ne prend pas sa carte, il s'engage corps et âme dans une relation sentimentale avec ce mouvement populaire. Comme s'ignorait. Mais si les liens de Yves sont familiaux, viscéraux, ceux de Simone sont plus intellectuels. Mademoiselle Kaminker, de son vrai nom, passe sa jeunesse dans les beaux quartiers de Paris. C'est une excellente élève qui lit beaucoup, mais qui n'a qu'une idée en tête, faire du cinéma. Pendant la guerre, elle se forge une solide conscience politique de gauche auprès de ses amis résistants, Café de Flore, alors même qu'elle a trouvé un boulot dans un journal vichiste. Une dichotomie qui renforce ses convictions lorsqu'elle rencontre l'homme de sa vie. Entre la petite bourgeoise de Neuilly et le titi marseillais, le courant passe immédiatement. Le couple partage la même sensibilité. Mais la première vraie incursion de Simone dans le prolétariat se fait au contact de la famille de Yves, qui, contrairement à elle, a ressenti enfant ce qu'était l'oppression, la lutte, l'humiliation, comme l'exprime dans l'émission Aujourd'hui Madame du 12 novembre 1976. Avec Montand, c'est la première fois que j'ai pénétré, si étonnant que ça paraisse, parce qu'il était vraiment le chanteur populaire, et en même temps, c'est lui qui m'a introduit dans ce qu'on appelle quelquefois très étourdiment la classe ouvrière, parce qu'il sort d'une famille d'ouvriers émigrants. J'ai rencontré des gens qui tous, à un moment donné de leur vie ou à un autre, avaient travaillé dans des usines. Alors moi, les usines, j'en parlais, comme tous les gens qui ont lu les beaux livres, puis qui fréquentent certains milieux dits d'intellectuels de gauche, mais je n'ai jamais fait un jour de ma vie à une chaîne quelconque, mais je n'ai pas jamais vécu cette vie-là. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses dont je parlais très légèrement, croyant être encore une fois très intelligente, mais je me suis trouvée devant un monde qui effectivement m'a fait faire un chemin. En se mariant avec Montand en 1951, Simone épouse une famille immigrée, mais surtout une famille de pensée politique. Ce chemin qu'Yves lui propose s'organise entre deux maisons communautaires. La Roulotte à Paris, où vit toute la famille Lévy et où se tiennent les réunions militantes, et la maison de Beauteuil, en Normandie, où le couple se ressource entre deux tournées, là où le chanteur répète ses galas. Lui apporte la matière organique, elle la structure intellectuelle. Belle osmose, en tout cas, entre l'animal instinctif et l'intello d'arrive gauche. À partir de cette rencontre, les chansons de Montand se teintent d'une couleur plus politique, plus proche en littérature d'un Zola que d'un Proust. Francis Lemarque lui offre une chanson ouvertement antimilitariste, intitulée « Quand un enfant », qui sera immédiatement censurée. De prolo chantant, Montand devient le chanteur rouge, indéniable autorité morale, la grande vedette de la gauche. À Alors, quand le journaliste de Ciné Panorama s'immisce sur ce terrain-là en 1957, l'intéressé répond... Yves Montand, pour beaucoup d'entre nous, ce n'est plus seulement un chanteur, c'est un cas. Un cas sur lequel, surtout depuis un certain voyage, on se pose beaucoup de questions. Il y a des domaines que nous interdisons d'aborder ici, celui de la politique en particulier. Eh bien, ça me changera. Mais je crois quand même que je vais vous parler de la tournée que j'ai faite dans les pays de l'Est. Et ça m'a intéressé d'aller voir des personnes que je ne connaissais pas, des gens que je ne connaissais pas, dont on racontait beaucoup de choses. Si s'intéresser à ses contemporains, c'est faire de la politique, alors d'accord, je fais de la politique. De la politique au sens propre du terme, Montand et Signoret s'engagent avec passion. En 1950, les deux signent l'appel de Stockholm, un texte pacifiste dirigé contre les États-Unis qui exige l'interdiction de la bombe atomique et qui sert de manifeste au Mouvement pour la paix, une organisation proactive animée par les partis communistes, mais qui fédère bien au-delà. Jacques Chirac ne l'a-t-il pas signé dans sa jeunesse? En tout cas, Yves et Simone participent assidûment aux manifestations de ce mouvement aux côtés des dirigeants du PCF, mais aussi d'intellectuels et d'artistes convaincus comme Sartre, Picasso, Gérard Philippe. Simone pétitionne à tour de bras. Elle dit à ses amis, celui qui ne signe pas, c'est qu'il est pour la bombe, donc pour Hiroshima. Circulait. Yves, lui, verse de l'argent en partie lors de souscriptions, accorde sa signature à d'innombrables pétitions, mais à aucun moment il n'adhère au Parti communiste, pas plus qu'il ne participe à la fête de l'humanité. Lucide, il veille à ne pas devenir un artiste officiel du Parti communiste. En 1953, le couple livre combat pour la grâce des époux Rosenberg, accusés aux États-Unis d'être des espions et d'avoir donné aux Russes des informations sur la bombe nucléaire. En 1954, Simone et Yves jouent la pièce d'Arthur Miller, Les sorcières de Salem, allégorie de l'Amérique durant la guerre froide et du maccartisme, une déviation mentale et politique qui s'illustre par une véritable chasse aux sorcières communistes dans le milieu du cinéma. Simone, elle, est surnommée la pétroleuse des syndicats staliniens. Bref, le couple vit l'engagement politique à fond et cède au son des sirènes de l'idéal communiste. Et rien ne semble pouvoir l'en détourner, rien. Jusqu'à cette date du 4 novembre 1956. Attention, attention, ici Radio Kossuth Budapest. Monsieur Imre Nagy, président du Conseil de la République populaire hongroise, a fait ce matin l'appel suivant à la radio. Aujourd'hui, à l'aube, les troupes soviétiques ont commencé une attaque contre la capitale hongroise dans l'intention évidente d'abattre le gouvernement hongrois légal et démocratique. Nos troupes sont en combat. Le gouvernement est à sa place. J'annonce cela au peuple hongrois et au monde entier. Comment le frère soviétique peut-il empêcher le peuple hongrois de s'émanciper ? Pourquoi réprimer ces manifestations pacifistes à l'aide de chars? Lourde question qui semble remettre en cause le départ du chanteur pour sa tournée dans les pays de l'Est. D'autant que 3 jours plus tard, dans la soirée du 7 novembre 1956, une foule dense se rassemble sous l'Arc de Triomphe pour protester contre la répression en Hongrie. Et dans ce contexte, le projet soviétique du couple Montand-Signoret cristallise toutes les crispations. Pressé de toutes parts, le chanteur est pris en étau entre sa femme qui le supplie d'annuler et sa famille qui l'adjure d'y aller. Sans compter les journalistes qui le poussent à se décider et ses amis artistes qui le noient dans l'incertitude. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les reproches aussi. Et Montand le sait, il est acculé. Et il est encore sous pression lorsque Henri Deutschmeister, le producteur roumain du prochain film de Max Ophüls, l'appelle le 3 décembre au matin. Yves a signé un contrat pour jouer Modigliani. S'il part en Russie, il peut dire adieu au film. Mais le sang du chanteur ne fait qu'un tour. Personne ne lui dicte sa conduite. Alors, de sa voix grave et calme, il répond « Je n'étais pas sûr de partir, mais maintenant c'est très simple, je pars ». Pour annoncer sa venue en URSS, il écrit à Obratsov, le directeur du théâtre de marionnettes de Moscou, et voilà les mots qu'il emploie. « Ce que je voudrais que vous sachiez aujourd'hui, c'est le trouble profond dans lequel Drammont Roy a plongé un grand nombre de Français. Je suis parmi ceux-là. Malgré tout, je suis heureux de vous demander d'annoncer au public soviétique mon arrivée prochaine. J'aiderai ainsi en mon domaine à maintenir et développer les échanges culturels qui sont une contribution à la consolidation de la paix. C'est à l'aube, qu'on achève les blessés, qu'on réveille les condamnés qui ne reviendront jamais. C'est à l'aube, à l'heure triste où le jour point, qu'on regarde son destin dans les yeux. À la croisée des chemins, les hommes crispent leurs poings pour l'adieu. C'est à l'aube de demain. C'est à l'aube que se meurent les amours, que l'on renie les toujours, quand va se lever le jour. C'est à l'aube, à l'heure triste où le jour point, qu'on se blottit dans un coin malheureux. C'est à l'heure où ma main cherche vainement ta main d'homme heureux. C'est à l'aube de demain. Mais à l'aube, renaissent tous les espoirs et l'amour des grands départs vers les mondes de l'espoir. Mais à l'aube, au matin de nos destins s'éveille des lendemains merveilleux. Dans la gloire du matin, j'ai le monde dans ma main, ah mon Dieu. Car c'est l'aube, c'est demain. Aujourd'hui, la tournée Montant Signoret en URSS. France Inter. Affaires sensibles. Le 17 décembre 1956, Yves Montand et Simone Signoret étaient en route pour Moscou. À leur départ, ils ont reçu des vœux sincères de bon voyage, mais aussi les huées des partisans de la guerre froide, ennemis du grand mot, amitié. Je tiens à dire que je ne suis pas un homme politique, mais j'ai l'impression que les échanges culturels sont plus indispensables que jamais pour la détente, en particulier, et pour la chose la plus importante à mes yeux, pour la paix. Lorsque Yves Montand et Simone Signoret débarquent le 17 décembre 1956 à Moscou, comme un couple présidentiel, alors que les soviétiques ont déjà tué 2500 personnes en Hongrie, à peine le pied posé sur le tarmac de l'aéroport de Vnukovo, le chanteur répète au micro des médias soviétiques ce qu'il a écrit avant de partir au Bratsov. Je suis là pour la culture, la paix, pas pour la politique. Sage précaution, mais un peu vaine, car chacun continue de voir dans cet événement une trahison. Seuls les moscovites sont ravis, pensez donc qu'ils reçoivent un artiste occidental ami du communisme. L'atterrissage se fait en pleine nuit, à 2h du matin, dans le froid le plus cinglant, et pourtant des milliers de soviétiques attendent le couple au pied de l'avion, par moins 15 degrés. La foule ovationne les deux Français. L'aéroport explose sous l'affluence record, comme le raconte André Tarilin, l'un des interprètes à l'époque. Des centaines de journalistes ont accouru vers l'avion. Il y en avait même qui étaient perchés sous les ailes et les organisateurs de la tournée ont reçu la facture après. Il a fallu payer les réparations de l'avion. C'est bien un peu cher payé pour le crédit que ça rapporte au gouvernement soviétique. Car si Nikita Khrouchtchev a accepté la venue de Montand, Ce n'est pas pour profiter du talent de l'artiste, mais bien pour faire preuve d'ouverture vers l'Occident. Il y voit l'opportunité idéale pour endormir les esprits, c'est une opération de com'. Le couple français est donc instrumentalisé, et il va assurer malgré lui la promotion du régime soviétique. Chaque soir, la télé d'État les suit pas à pas, retraçant leur journée idyllique à travers ce paradis que l'URSS est censé incarner. Le poète Aragon, qui leur avait conseillé de partir quand même, juge subitement inopportune cette tournée. La presse française se déchaîne pendant que le couple flirte avec les hauts dignitaires communistes. À Moscou, Montand fait se lever le théâtre Tchaïkovski. Pourtant, personne dans la salle n'ignore que chaque jour, malgré la déstalinisation, la misère s'étend en URSS à cause d'une doctrine économique erratique. La troupe de Montand se retrouve dans un cocon hors du temps, un peu hors sol aussi. Au quatrième soir de représentation, le 19 décembre 1956, alors qu'il est en train de chanter, Montand note que la loge à l'avant-scène côté cour est occupée. Habituellement fermée, elle accueille ce soir-là les principaux dignitaires du pays, les cinq membres les plus éminents du Soviet suprême, Khrouchtchev, bien sûr, Molotov, Mikoyan, Bulganin et Malenkov. Simone Signoret, elle, assiste au ballet du célèbre Bolshoï. Pendant l'entracte, et sans la moindre explication, on la fait revenir de toute urgence. Persuadée que Montand a un problème, elle débarque plus vite. C'était bel et bien souper où ils étaient tous les cinq, plus Nadia, notre interprète, plus le ministre de la Culture, et c'était un souper d'explication. Et on a pu tout leur dire de ce qui s'était passé à Paris en novembre, de l'extraordinaire indignation des gens. Ils ont su qu'il y avait des tanks qui tiraient dans Budapest. Et ça a été une conversation comme je ne sais pas où ailleurs on aurait pu en avoir une, parce que ça a été une discussion de bistrot. Est-ce que vous pouvez dire que vous avez tenu un langage, un discours qu'il était impossible de tenir avec des militants du PC ici en France ou en Europe ? Mais absolument, parce qu'on l'avait tenu ce langage à Paris et on s'est fait dire, écoutez, vous avez fait un bout de chemin avec nous, et ben, tant pis, on se passera de vous. Un souper organisé loin des objectifs. Khrouchtchev les invite à un dîner donc, en petit comité, sans presse, rien que. Ils sont en tout et pour tout 9 convives. Alors, arrivé dans l'arrière-salle, la table est déjà dressée, étroite et longue. Montand et Signoret font face aux 5 dirigeants soviétiques. Nadia, l'interprète, est à l'autre bout de la table. Les premières minutes sont tendues. On devise, on évoque le récital, le climat rigoureux. Puis Nikita Khrouchtchev se tourne vers Yves Montand et lui dit « Alors, ça n'a pas été facile de venir chez nous, hein, à cause des pressions fascistes ?»« Mais ce ne sont pas les fascistes qui m'empêchaient de partir, rétorque Montand. » C'est ce qui s'est passé à Budapest. S'ensuit une explication crispée sur l'intervention musclée de l'armée rouge en Hongrie. Une discussion franche, à bâton rompu, pendant laquelle Montand et Signoret demandent des comptes, mais surtout martèlent qu'ils ne sont pas des politiques, mais des saltimbanques, que leur venue ici leur coûte bien plus qu'ils ne le croient. 3 heures d'échange entre le seul Khrouchtchev et le couple. Les autres ne bronchent pas, à l'exception de Nadia qui traduit comme une mitraillette. Montand précise qu'il ne faudrait pas considérer sa présence comme une caution de la répression que subit la Hongrie, même si la France l'a compris comme ça. « Décidément, mes amis, vous êtes trop sentimentaux, lâche Khrouchtchev. » Ambiance. Il est 4 heures du matin quand les convives se séparent. Les époux Montand sont encore sous choc, sidérés mais satisfaits de leur franc-parler. Seul avec son épouse, Yves conclut « Maintenant, on sera mal avec tout le monde. » Mais qu'est-ce qu'on se sent bien avec nous-mêmes ? Nikita Khrouchtchev, numéro 1 soviétique, a bien compris l'importance de ces stars françaises venues d'un pays où presque 30% des électeurs votent communistes. Il avait juste besoin de cette rencontre pour sa communication. Ce qui n'empêche pas évidemment la surveillance, pas à pas, des invités français, des fois qu'ils verraient des choses qu'il ne faut pas voir. Vous avez écrit des rapports pendant ce voyage ? Oui. À qui ? À toutes les personnes concernées. Mais aviez-vous un lien avec le KGB ? Ah, dans notre groupe, il n'y avait personne du KGB, enfin, pas officiellement. Un cordon sanitaire à la mode soviétique, bien resserré. peine perdue, Simone, qui profite de répétitions de Yves pour faire les magasins, commence à voir la réalité des choses. Auprès de Nadia, elle s'étonne, par exemple, que des boutiques soient réservées à la nomenclatura. Il y aura donc deux Russies soviétiques, celle des dirigeants du parti et celle des autres. Comme pour les restaurants, chacun les siens. Un soir, Marcel Azola, l'accordéoniste de la tournée, leur raconte à quel point les gens lui paraissent tristes, oppressés, sans aucune liberté. Ce régime crée de la pauvreté et fait des dignitaires une caste. Oui, c'est un régime de caste, l'expression même de l'inégalité d'ailleurs. Certains soviétiques tentent d'approcher le couple pour leur demander de l'aide, pour fuir le pays. Oui, tout ceci instille forcément le doute dans l'esprit de Montand. Et forcément, il ne lâche rien, comme s'il voulait assumer sa décision d'être venu ici, à Moscou. Simone, elle est plus réceptive. Elle tente de lui ouvrir les yeux, mais elle se heurte aux convictions viscérales de son mari. Khrouchtchev a admis des erreurs pendant le dîner, explique-t-il. Il faut leur laisser le temps. Refusant de voir la réalité en face, il se fâche même avec Simone et claque la porte de la chambre d'hôtel. Pour lui, la déstalinisation n'est pas un leurre. Les soviétiques nous ont libérés des nazis, ils ne peuvent pas être des dictateurs, pense-t-il. Montand continue d'assurer la tournée telle qu'elle est programmée. Toujours triomphale, mais empreinte de tristesse. Et puis, en plus des concerts du soir, des visites obligées sont organisées dans la journée. Écoles, usines, colcos, universités. Partout, l'artiste français est contraint de pousser la chansonnette. Un programme épuisant. Stakhanoviste, pour le coup. Mais Montand fait le job. Tavarichi, dis-leur que, pour nous, si nous avons été très contents de chanter à Moscou, pour nous, aujourd'hui, c'est notre plus grande joie, mes camarades et moi, de chanter aujourd'hui dans une usine automobile. Если для моих товарищей и для меня доставило огромное удовольствие выступить с концертами в Москве, то особенно большое удовольствие мы получили от того, что мы можем выступить с концертом на автомобильном заводе перед рабочими. Теперь песня «Я тебя люблю». Я тебя люблю, люблю, люблю. Да. Évidemment, ça s'adresse à une femme, dit-lui. Конечно, здесь обращаются к женщине. Да. Merci. Car je t'aime, t'aime, t'aime, t'aime, c'est fou ce que je peux t'aimer. Oui, je t'aime, t'aime, t'aime, t'aime, je peux pas m'en empêcher. Quand bien même, même, même, même, tu viendrais à me quitter, je t'aimerais toujours, toujours, mon amour. Mon amour, n'importe où, n'importe comment, mon amour, je t'aime éperdument. L'usine automobile, qui doit bien faire 2000 mètres carrés, est littéralement envahie. Des ouvriers ont même grimpé aux fenêtres, formant des grappes humaines sur les murs. Pas un recoin de l'usine n'est vide. Seul le plafond laisse entrevoir la structure métallique qui soutient le toit. Puis la tournée se poursuit dans tous les pays du bloc soviétique. En Pologne, RDA, Tchécoslovaquie, Roumanie, Bulgarie, Yougoslavie et Hongrie. De la Sibérie à l'Ukraine, des nouveau-nés sont prénommés Yves. Des jumeaux qui ont le bon goût de naître garçons et filles sont baptisés Yves et Simone. Ils font la une des journaux. Les Russes souffrent, tandis que le couple traverse le pays, guidé par une cohorte de serviteurs de l'État soviétique, qui s'arrange toujours pour garder le couple loin de la réalité du quotidien. La feuille de route est organisée au millimètre. Une méthode partagée par toutes les dictatures à travers le monde. Regardez comme il est beau notre modèle, mais pas question de soulever le tapis. Yves Montand et Simone Signoret s'aperçoivent qu'on leur fait visiter ce qu'on appelle les villages Potemkin. Que tout n'est pas aussi vrai que le décor dans lequel on les a plongés. Parce qu'ils voient bien, en coulisses, que des gens essaient de leur parler, de leur raconter leur vie quotidienne, mais qu'on les éloigne. Ils aperçoivent, ça et là, des visages qui ne semblent pas refléter le bonheur qu'on leur vend, c'est le moins qu'on puisse dire. L'accueil, en revanche, est toujours chaleureux. Cher Yves Montand, chère Simone Signoret, chers amis, nous vous connaissons et nous aimons vos chansons. Nous savons aussi que vous êtes devenu un artiste renommé après avoir été un ouvrier. La voix rêveuse de Montand résonne sur les ondes, nous dit ce tube soviétique, l'ami lointain. L'ami lointain, c'est lui, évidemment. Partout, on lui offre des spectacles. Et l'arrivée inopinée du couple dans certains kolkhozes, genre on a vu de la lumière, on est entré, n'est pas si inopinée qu'on veut bien leur faire croire. Parce qu'ils débarquent toujours dans des fermes modèles qui se trouvent comme par hasard sur leur route. Comme par enchantement également, le groupe folklorique du coin est toujours en train de répéter le spectacle du mois. Mais Montand joue le jeu et ne refuse aucune représentation. Sauf deux fois. La première pour la police et l'armée. Hors de question. La seconde à la maison des écrivains de Moscou. Alors qu'il est invité pour déjeuner, les organisateurs l'ont piégé. Ils ont installé un micro en fond de salle et le pressent de chanter. Il s'exécute, docilement, enfin poliment, entame les gamins de Paris, puis s'arrête net. Ça suffit. Il est trop fatigué. Et il quitte la salle, ponctuant sa colère par un sale con, tonitruant. Cet esclandre fait le tour de Moscou. Aux yeux des dissidents moscovites, Montand se rachète une conduite sans le savoir. À la fin de cette tournée de 4 mois, le chanteur avoue dans un entretien avec un journaliste « J'entame une longue marche en moi-même. Je continue d'espérer, mais je ne crois plus. » À son retour, en mars 57, Yves précise à son frère Julien que l'accueil est inoubliable, mais qu'il y a des choses qu'il ne peut pas accepter. Quelques mois plus tard, il confie à un journaliste qu'il a la sensation trop nette d'avoir été exploité, oui, d'avoir servi à la publicité d'une idée, exactement comme un shampoing ou un apéro. C'est ainsi que Montand et Signoret reviennent de tournée, le doute chevillé au corps. Et ils ne sont plus les mêmes. « Oui, on a changé », dira Simone au micro de Jacques Chancel. Montand avouera, des années plus tard, avoir été aveuglé. « Nous avons accepté des choses horribles et épouvantables en disant « Ah ben ce sont des traîtres à l'humanité et des ennemis du peuple ». Aujourd'hui, je me refuse de parler comme ça. C'est vrai que quelque part, nous avons été un petit peu cons. Yves et Simone ont cru à la révolution progressiste. Ensemble, ils mettent fin à leurs illusions. Leur sympathie inconditionnelle pour l'idéal communiste est ébranlée. Désormais, ils se battront, oui, mais contre tous les totalitarismes. Les événements de 56 signifient bel et bien la perte de la foi. D'ailleurs, les deux artistes soldent définitivement leur passé communiste en tournant dans l'aveu de Costa Gavras. Le film est un brûlot politique, une critique violente des purges Staline. Il marque pour Montand la rupture avec la famille communiste, mais également avec sa propre famille, une fracture intime et douloureuse. Un cri de douleur qui sort enfin. C'est une chose très importante. Vous voyez ce que je veux dire ? Reconnaître cette imposture, cette abominable et sanglante imposture, c'est rejeter en même temps l'être que j'aime le plus au monde, qui est mon père. C'est difficile, vous savez. Hein, on le serait troublé à moins. Oui, Montand paie cher le prix de sa lucidité. Il a touché à la sacro-sainte histoire familiale. Et en 1968, 12 ans après Budapest, c'est à Prague que les chars soviétiques font leur entrée. Pour le chanteur, la coupe est pleine. C'est même une déflagration. La rupture avec les communistes est totalement consommée. Julien Lévy, son frère, coupe définitivement tous les liens avec lui. Ses parents ne veulent plus rien avoir à faire avec Yves. Ils resteront en froid pendant 20 ans, le temps d'un glacis, comme le glacis communiste. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. et le vent du nord les emportait. Dans la nuit froide de l'oubli, tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants. Aujourd'hui, la tournée de Yves Montand avec Simone Signoret, bien sûr, en URSS et dans les pays d'Est en 1956. On en parle avec notre invité Patrick Rockman. Bonjour. Bonjour. Écrivain, scénariste, documentariste, vous avez bien connu Yves Montand. J'ai envie de vous poser, moi qui n'ai pas eu la chance de le connaître, ainsi que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui nous entendent. Comment était l'homme? On se l'imagine sympa, passionné, mais comment était-il? C'est-à-dire que Montand avait une apparence, était ce méridional, pour pas dire marseillais, exubérant, gueulard, un peu la ramenant, avec des grands gestes, sûr de lui. Et il y avait une réalité qui était quelqu'un de profondément angoissé, partout d'ailleurs, mais surtout par son métier, on y reviendra, parce que c'est ça en fait qui le préoccupait le plus dans sa vie, d'être à la hauteur du petit Ivo qu'il avait été. Et il y avait une distorsion entre ce qu'il ressentait vraiment, cette inquiétude qui le minait littéralement en permanence, et puis la manière dont cette faconde qu'il avait quand il apparaissait. Il était ce qu'il rendait à mes yeux extrêmement attachant. Bien sûr, donc c'était un être torturé sous une allure, voilà, même une enveloppe et un comportement qui était plutôt jovial, lui, c'est ça. Donc c'est... Ah oui, il était très jovial, il était extrêmement drôle, extrêmement sympathique. Il pouvait en pleine rue se mettre à raconter une histoire, à la mimer, etc. D'ailleurs, je ne sais pas si je dois en parler tout de suite, mais ce fameux dîner avec Khrouchtchev, moi je l'ai accompagné à Moscou. Ah bah allons-y, on peut en parler maintenant. Oui. Allons-y. Parce que c'est un épisode impressionnant. En 1990, quand Montand, Georges Champrin et Costa Gavras ont été présentés le film L'aveu dont vous parliez tout à l'heure. Et il a été, je l'ai accompagné, voir ce fameux théâtre Tchaïkovski où il avait chanté. Il cherchait partout cette fameuse salle où il avait dîné avec Khrouchtchev et les autres. Il ne reconnaissait pas et finalement, d'un seul coup, il a dit c'est là. Et il y avait effectivement une table qui était là, dans les coulisses. Et il s'est mis à raconter, à dire, là, il y avait Khrouchtchev, là, cette place-là, il y avait, là, Simone était là, Nadia était là, Malenkov était là, et il s'est mis à jouer cette scène. Pas pendant 4 heures, comme ça s'est passé réellement, mais pendant... Des grands moments, quoi. Un moment, il jouait Khrouchtchev, il jouait, etc. Et c'était assez saisissant. Donc, mon temps, c'était ça, cette capacité, cet acteur, toujours en action. Ouais. C'est en 90, ça? C'était en 90. Donc c'était encore sous Gorbatchev, c'était là. C'était sous Gorbatchev, autrement ça ne serait pas produit. Ouais, bien sûr, c'est sous Gorbatchev. Mais c'était pas la même URSS sous Gorbatchev, déjà. Non. Elle avait changé quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, dans les années 50, là, on revient à l'époque, le Parti communiste, l'idée communiste fait recette en France, son électorat est puissant. Est-ce que c'est dû à l'aura de Staline, héros de la guerre, ou aux idées communistes qui sont auxquelles sont adossées l'anticolonialisme, peut-être la pensée libertaire, parfois j'imagine que ce sont les deux, mais qui l'a emporté là-dessus? C'est la recette de l'adhésion des Français, des Françaises au communisme, elle vient d'où d'abord selon vous? Je pense qu'il y a deux éléments fondamentaux pour comprendre la sorte d'emprise qu'avait le Parti communiste, le mouvement communiste, on peut parler de mouvement, parce qu'il y avait le parti, mais il y avait les syndicats, il y avait les multitudes d'associations, etc. C'est l'emprise qu'avait le mouvement communiste sur la société française et sur l'intelligentsia. Il y a deux éléments, à mon avis, qui l'expliquent. Il y en a un, c'est, je résumerai d'un mot, c'est Stalingrad. C'est-à-dire pour cette génération qui avait 20 ans pendant la guerre, les Russes, le sacrifice de 17 millions, je crois, de soviétiques pendant cette guerre, c'était eux finalement le vainqueur de la guerre. Sans les basculer sans la l'armée guerre, rouge, voilà, du bon côté. Sans l'armée rouge, le nazisme n'aurait pas été vaincu. Ça, c'est le premier élément fondamental. Le deuxième, c'est cette assimilation terrible et fausse, mais qui était communisme égale classe ouvrière. Dire que tout, c'est la classe ouvrière se sentait représentée par ce parti qui portait ses revendications et les intellectuels qui avaient une certaine mauvaise conscience de classe, si j'ose dire, étaient attirés, fascinés même par ce parti qui était le parti, comme ils disent lui-même, de la classe ouvrière. Donc le cas de Montand, qui n'a jamais été membre du Parti communiste. Oui, on l'a dit dans le récit. Vous l'avez dit, il faut insister, parce qu'il n'a jamais été militant. Mais le cas de Montand est le même que celui de toute cette génération de gens qui ont cru, qui croyaient à l'émancipation communiste, que les lendemains chanteraient, que l'avenir était rose. Et on ne peut rien comprendre à cette dimension si on ne voit pas qu'il y avait dans cette croyance un phénomène quasi religieux. C'était une foi. Une foi. D'ailleurs, Staline et Lénine ont été embaumés. Dans de grandes messes, il y a quelque chose de religieux chez le communiste, de rituel. Religiosité. Absolument. Dans l'adhésion. Parce que non seulement le communisme promettait le paradis, mais pour le paradis maintenant, sur Terre, tout de suite, et vous allez y contribuer. C'était une attraction absolument formidable. Ouais. Évidemment, il y avait les crimes. Alors qu'est-ce qu'on faisait des goulags et des purges, par exemple, des purges staliniennes? Qu'est-ce qu'on faisait de ça? Évidemment qu'on savait, enfin ceux qui voulaient savoir pouvaient savoir, mais quand vous avez ce phénomène de foi, vous rejetez, surtout si ça vient du camp adverse. Vous dites, c'est pas possible, c'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est un déni. Donc, vous rejetez. Parce qu'il y avait eu le procès Kravchenko, il y avait eu la commission David Rousset, il y avait eu même avant-guerre, déjà, les procès de Moscou, etc. Ça n'ébranlait pas cette foi incroyable dans l'avenir du communisme, l'avenir de l'humanité. Et c'est pour ça que le 20e congrès, avec ce fameux rapport de Khrouchtchev, où le premier des communistes dénonce les crimes du communisme. Ça a été un ébranlement majeur. On ne comprend rien à l'année 56 si on ne voit pas que ce rapport Khrouchtchev a été un coup de pied, un coup de tonnerre dans l'Empire soviétique, d'où les événements qui sont passés en Pologne et les événements très graves, qui ne sont pas les événements, la révolution qui a eu lieu en Hongrie, à Budapest, contre le régime soviétique. C'était le premier moment de rupture vraiment dans cette foi. Parce qu'on déstalinise, voilà, et on emploie des méthodes à Budapest qui sont des méthodes staliniennes, totalement. Oui, donc là, c'est une perte de repères qui est compliquée quand même. Hein, c'est très compliqué parce que Khrouchtchev croyait vraiment, pensait vraiment pouvoir déstaliniser. D'ailleurs, Il a ouvert le goulag. Hein. En 56, il n'y a presque plus personne au goulag. Tout le monde a été libéré. Mais il a très bien, très vite compris que si il laissait la révolution hongroise aller, c'est-à-dire sortir du pacte de Varsovie, des élections libres, des régimes des partis, ça voulait dire que c'était la fin du système communiste et que, en domino, tout allait se casser la figure. Ce qui s'est passé en 89. Exactement. Voilà. Donc il avait parfaitement compris qu'il fallait intervenir et c'était le coup terrible, affreux de cette répression qui a fait plusieurs milliers de morts. On se retrouve tout de suite, Patrick Rotman, après avoir écouté Vincent Delerme, L'attrape-cœur. Je traverse une ville. La nuit est facile. Je connais ses heures. Depuis longtemps, les soirs de concert, les visages, les verres, le couloir d'hôtel, en y pensant. C'était quoi ce plan? Rêve adolescent, le piano, la scène, une vie comme ça. C'est quoi cette histoire? La salle dans le noir, quatrième rappel, servir à quoi? Attraper les heures et faire l'attrape-cœur. L'attrape-cœur, attraper les nuits, les amours en fuite. Les lèvres embrassées, les cages d'escalier, je m'occupe de tout, ne t'inquiète pas. Le soir qui descend, ce genre de frôlement, la pelouse en juin, ça c'est pour moi. J'aime te faire sourire, pourtant à choisir. La filière, hors bail, bac plus 3, bilan compétences, moyen pour la danse, pour les sentiments, ça ira. Attraper les heures et faire l'attrape-cœur. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Patrick Rotman, dans votre livre Ivo et Georges, donc Yves Montand et Georges Semprin, Montand confie en page 112, « Dans ma vie, j'ai eu une chance extra, mais je suis passé à côté de l'essentiel. » C'est quoi cet essentiel, selon vous? Ça, c'est justement... C'est et selon lui. Pendant ce voyage à Moscou, une soir et même une nuit, il me parlait, enfin, pas on parlait. Et l'essentiel pour lui, c'était en fait l'engagement dans la résistance. D'accord. Il considérait, justement en référence à Georges Semprin, qui a été résistant, maquisard, qu'il regrettait... Et plus que regretter de ne pas avoir compris et d'avoir été un peu obsédé, parce qu'il commençait à chanter, par sa carrière, et de ne pas avoir compris qu'on pouvait s'opposer. Donc il a eu des tas d'aventures pendant la guerre. Mais voilà, ça, c'est, l'essentiel pour lui, c'était ça. Il faut bien, pour comprendre Montand, il faut voir que c'était avant tout, fondamentalement, un affectif. C'était... Après, à la fin de sa vie, il est devenu beaucoup plus politique et il tenait des discours beaucoup plus politiques. Mais ces années dont on parle, c'était un affectif. C'est un affectif et son appartenance, enfin sa communauté d'esprit avec ce que représente le communisme, c'est quasiment une histoire familiale. Hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Bien sûr, les parents, son frère, militant communiste qui fuit l'Italie. Son frère, Julien, qui est un responsable communiste, il a grandi là-dedans, dans ce Marseille très très populaire, presque misérable. Moi, je suis allé avec lui là-bas pour voir encore comment c'était. Il a vécu quand il a quitté l'école à 11 ans pour travailler en usine. Enfin, c'était son monde, son univers. Et rompre avec la famille communiste, c'était rompre avec la famille, sa famille. Et c'est pour ça que c'était tellement douloureux, tellement difficile, et qu'il a mis cet épisode de 56 que vous avez très bien raconté, résume très bien ce dilemme de quelqu'un qui croyait à tout ça, mais et en même temps, l'important pour lui, c'était pas ça, en fait. Ouais. Et c'est que je voudrais insister là-dessus. L'important pour lui, c'était de chanter. C'était son métier. C'est ça qui l'obsédait. Il n'était pas militant à temps plein. Ouais, j'ai parlé de ça avec Reggiani ou François Perrier. Il disait que, il s'amusait le dimanche à Auteuil. Il y avait des débats politiques, etc. Mais c'est ni Simone, ni Montand n'étaient des militants professionnels. Très, très loin de ça. Donc, il y avait une quête du côté du cœur vers ce que représentait l'avenir radieux de l'humanité auquel ils croyaient, mais en même temps ce qui vraiment les intéressait, c'était leur métier. Oui, mais est-ce qu'il n'y avait pas une envie quand même de faire partie de ces artistes qui ont une conscience politique et puis d'être auprès de gens comme Jean-Paul Sartre, par exemple? Cette appartenance à une élite intellectuelle tout en étant artiste, il y avait une attirance pour ça ou pas? C'était plus sincère. Je ne sais pas s'ils se rendaient bien compte de ça. Il faut voir que le couple Montand-Signoret dans les années 50, c'est une espèce de couple phare, à la fois dans le sens que tout le monde regardait lui, c'était le plus grand chanteur français, interprète, avant qu'il se mette à faire du cinéma dans les années 60. Elle, c'était la comédienne française très très en vue. Le couple, voilà. Et ce qui leur valait à la fois des éloges, une formidable popularité, et en même temps des critiques terribles, parce que faut lire les articles de la presse contre Montand, qui roulait en Bentley, elle qui avait des manteaux de fourrure, etc. Voilà. Ils n'ont pas l'air d'être de gauche, quoi. Ils se faisaient très critiquer. Mais encore une fois, il fonctionnait par les tripes, mais c'était un tripal, Montand. C'était un instinctif, c'était quelqu'un qui fonctionnait au cœur, à l'instinct, à la manière dont il est, avec son nez, il appréciait les gens, comment il les voyait. Voilà, la politique dans ces années-là, pour lui, c'était une appartenance du cœur. Bon, c'est très difficile à comprendre aujourd'hui. Mais non, si on considère qu'il était avant tout comédien, on comprend. Parce que c'est souvent le bois dont on fait les comédiens, hein, les gens comme ça qui parlent avec le cœur, qui sont instinctifs, organiques. Mais faut pas voir Montand ni Simone d'ailleurs comme des intellectuels, d'accord, théoriciens, faisant des analyses, etc. Ils fonctionnaient à l'instinct. Est-ce qu'ils ont fait beaucoup de bêtises politiques dans ces années-là? C'est évident que ce voyage a été totalement instrumentalisé par les communistes, il en avait parfaitement conscience, mais il disait d'un point de vue totalement égoïste, c'est sûr que c'était une connerie d'aller là-bas, mais sur le plan personnel, ça a été formidable, parce que c'est à partir de ce moment-là que cette foi dont je parlais, il l'a perdue. Il a cessé de croire tout ce qu'on lui disait, d'être l'innocent. Et d'un seul coup, après ce voyage, pendant des années, il s'est éloigné petit à petit de cette famille. Georges Semprin a joué un rôle important dans ce cheminement. Très important. Montand a rencontré Georges Semprin en 1963. Et Semprin venait d'être exclu. Il était un des dirigeants communistes clandestins à Madrid, contre Franco à l'époque. Et tous les deux se sont trouvés, je veux dire. C'est une histoire d'amitié incroyable, que je raconte d'ailleurs dans mon livre, Ivo et Georges. Et Georges, alors lui, qui était Semprin, qui était un véritable intellectuel, a beaucoup travaillé, aidé Montand dans la compréhension de ce que c'était le système communiste, il n'y avait pas des petites déviations, qu'il n'y avait pas des procès de 100 ans, que le cœur même de ce système était totalement mauvais, répressif, totalitaire. D'accord. Il nous reste une minute, mais quand même, on se souvient de l'émission Vive la crise en 1984, émission qu'il présentait, c'est un one-shot, juste pour une émission. Fin des idéologies, futilité de l'État-providence, culte de l'entreprise, les Français étaient appelés à sacrifier l'État social et les conquêtes syndicales sur l'autel de la rigueur. Comment expliquer cette adhésion de Montand au libéralisme? Je veux juste préciser que le texte de cette émission, c'est pas de lui. Hein. Non, j'imagine. Enfin, quand même. Il était comédien. Ouais, enfin, il le porte quand même. Oui, d'accord. Mais de dire que c'est pas, il est pas l'auteur. C'est Alain Minc, non, je crois. C'était tout un groupe autour de Michel Albert, etc., oui. Qui avait écrit ce et qui était dans cette conjoncture particulière où Mitterrand, président de la République, avait décidé de ce fameux tournant de la rigueur. Ouais. Voilà. C'était une façon de le promouvoir, quoi, et ce tournant. Oui, qui était promouvé. En fait, c'était quoi? C'était prendre acte d'un changement d'époque et toutes les illusions qui avaient été promenées, notamment par le programme commun, et etc. Avec les communistes. Avec les communistes, c'était se casser la figure. Voilà. D'accord. Merci infiniment, Patrick Hoffmann. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Montand et Signoret en URSS. C'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Clément Berman.